Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Voilà, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous êtes vraiment à l'écoute de Trangena. Salut. Ce soir et en direct. Ça va faire plaisir à ceux qui nous écoutent le vendredi, parce qu'il y en a quelques-uns, il paraît, qui préfèrent nous écouter le vendredi que le mercredi. Ouais. Mais la personne que nous avons invitée ce soir pour nous parler des Spartakistes ne pouvait pas venir dans la semaine, donc on l'a fait venir le vendredi soir. Bonsoir Léo. Bonsoir. Voilà. Ça marche, le micro. Ouais. Bon. Il faut que je parle dedans. Ok, je m'approche. Voilà. Dans Tranche d'Anard, il y a eu des gens qui nous ont snobés. Axel. Snobés. Ok, alors du coup, nous sommes bien, comme d'habitude, au 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone est 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, on va peut-être commencer par un petit morceau de musique à toi, Axel. Ouais, alors on va, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Parce que je ne sors pas l'hiver, je ne vais pas vous raconter tous mes malheurs, mais voilà, je ne sors pas l'hiver. Non, attends, c'est simple, c'est Zeppelin, on passe que Zeppelin. Parce que on passe Zeppelin, parce que c'est les 50 ans de Led Zeppelin. Et parce que c'était un général allemand. C'était un général allemand. Non, ce n'était pas un général allemand. C'était une grande bite qui allait sur dans les airs. Comment ? Montgolfière, un peu comme ça. Ouais, une montgolfière qui a brûlé au-dessus de Berlin, ça a fait des morts et tout. Voilà quoi. Ils voulaient mettre la dernière, d'après ce qu'on m'a dit, ils voulaient mettre la tête de Hitler. Les Zeppelin, ils se sont cassés la gueule, en fait. Mais c'est ouais. Une anecdote qu'on dit. Est-ce qu'elle est véridique? On ne saura jamais. En tout cas, Zeppelin est né en 68, et ça a fait, pour les gens de ma génération, parce que je parle de ma génération, parce que je suis un vieux con, mais je suis encore vivant. Et ça a été une chose extraordinaire. Il y a eu Led Zeppelin. Il y a eu plein d'autres après. Mais pour moi, Led Zeppelin, c'était... Il y a eu les Who, il y a eu les Creams, il y a eu tout ça. Et après, il y a eu surtout celui qui est aussi grand que... C'est Jimi Hendrix. Pour moi, Jimi Hendrix, c'est merveilleux. Mais Zeppelin, c'était fabuleux. Bon, on va écouter. Boats go sailing. Si. Ok, voilà. C'était Axel ? C'était Zeppelin, mais je ne sais pas, le... c'est notre technicien. Mais là, je ne l'ai pas, là, je ne sais pas. Tiens. C'est quel numéro ? Je ne sais plus. Bah, tant pis, c'est un Zeppelin. C'est voilà. Zeppelin. De toute façon, vous aurez que du Zeppelin. Mais on peut, c'est un double album où il y avait dans ce double album il y avait le fameux extraordinaire de Cachemire. Alors savoir parce que il s'est cassé, alors tout est décomposé, j'ai que ce disque, voilà. Mais okay. Vous savez, c'est Radio Anard, hein, ils sont pas. C'est pas des flèches, hein, les anars. Si l'anarchie existait, il faudrait s'en débarrasser. Ok, merci Axel. Donc on va passer à notre ami Léo, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, qui est notre historien de service pour l'Allemagne. Ouais, bon, j'essaye de faire mon mieux. Je me prépare un tout petit peu, mais bah, c'est tellement vaste. Les événements de ça fait 100 ans... que je ne peux pas faire un long monologue non plus, mais j'essaie quand même de vous donner quelques infos, peut-être moins connues, j'espère. Bon. Je pense peut-être plutôt parler chronologiquement. Oui. D'abord, je pense les événements autour des Jaurès et ceux qui étaient opposés à la Première Guerre mondiale avant. La Première Guerre mondiale, c'est connu. Jaurès qui était même à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Donc, un jour après qu'il est parti de Bruxelles à Paris, il était assassiné. Ouais. Donc, on peut rue s'imaginer. Il a été assassiné rue du Croissant. Rue du Croissant. À Paris, ouais. Près c'est près des grands boulevards de Paris. Voilà. Ouais. Ben, pour les gens qui ne connaissent pas Jean Jaurès, c'était un des leaders du Parti socialiste français. Créateur de l'humanité, le journal. Voilà. Le journal. Et donc, qui était contre la guerre, avant la guerre, dans le mouvement ouvrier européen ou international, l'idée était d'arrêter une éventuelle guerre avec la grève générale. Bon, ça n'a pas trop marché, mais bon, il y a... La CGT, par exemple, ou les anarchistes syndicalistes ne voulaient vraiment pas une guerre. C'était des internationalistes, donc ils ne voulaient pas... Il y avait Jean Grave qui était quand même... qui voulait la guerre. Il y a eu trois personnages assez extraordinaires, quand même, qui ont voulu la guerre. C'est Jean Grave et Kropotkin qui a dit « il faut faire la guerre ». Mais tous les autres, comme Malatesta ou des choses comme ça, ils ont dit qu'il ne faut pas faire la guerre. En tout cas, il y avait une sorte de consensus que la grève générale, c'était l'arme pour saboter ou pour arrêter une guerre ou pour saboter une guerre. Et puis on a vu ce que ça a donné, notamment avec Jean Jaurès qui a été assassiné. En France, très vite, toute la gauche se range dans une union sacrée. Avec les patriotes, ouais, disons. Ouais. Ouais. En Allemagne, elle disait, oui, le régime tsariste est tellement horrible pour les pauvres ouvriers russes que pour les libérer, on va tuer les ouvriers russes, on va tirer sur eux. Ouais. Donc ça fait beaucoup de sens. Bon, je dis ça ironiquement parce que la social-démocratie allemande, qui était quand même majoritairement dans le Parlement allemand, ils auraient pu bloquer toute la guerre en bloquant les finances. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décrété la discipline du parti. Tout le monde doit voter pour la guerre. Parce ouais. que les Tsars, c'est affreux. Et c'est horrible pour les pauvres ouvriers russes. Donc on tire sur eux. Il n'y a que Rosa Luxembourg qui a quand même été une femme assez extraordinaire. Qui a hurlé quand même. Hurlé, elle a été en prison. C'est pour ça qu'elle a fait la guerre... Ils l'ont foutue en tôle, comme ça, elle ne pouvait pas crier. Et c'est complètement fou. Rosa de Luxembourg était une femme extraordinaire. Elle a dit non, il ne faut pas faire la guerre. Et surtout, elle était complètement en contradiction avec les marxistes-léninistes à la con de l'époque. Elle ne voulait pas de la violence. C'est pour ça qu'elle était contre la guerre. Parce qu'elle ne voulait pas de la violence. Elle était contre la violence. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y avait plein d'hommes politiques et femmes politiques qui étaient contre la violence et contre la guerre. Oui, en tout cas, au début de la guerre, les crédits de guerre sont votés aussi au Parlement allemand, avec une discipline de parti. Donc Karl Liebknecht, par exemple, il a aussi voté les premiers crédits de guerre, bon, après quelques mois. Quand c'était la troisième fois qu'ils ont voté que là pour la première fois, et il a dit ça se crée un scandale, je ne peux pas, avec ma conscience, voter encore une fois pour la guerre, pour ces crédits, donc je vote contre. Et c'était une sensation. Évidemment, le socialiste majoritaire, il était très fâché avec lui. Et après le prochain vote, ils étaient déjà quatre. Après, c'était comme une boule de neige. Chaque fois, il y en avait plus qui disaient « c'est pas possible, on vote plus pour ces crédits de guerre ». Et c'est un peu le cœur de ceux qui se sont mis... La scission, disons, de la social-démocratie, dont à un moment, il y avait trois partis même, hein, les socialistes majoritaires, les socialistes indépendantes, qui est plutôt le courant anti-guerre, plus depuis, juste après la révolution, décembre 18, le parti communiste, qui était très petit d'abord, et seulement bien après, je pense que c'était 3 après la révolution, la grande scission, USPD, donc les indépendants, se sont joints à la KPD, le communiste. Mm-hmm. Et donc c'est là que le parti communiste est devenu grand et fort. Au début, c'était tout petit. Et le groupe Spartacus, on écoute souvent du Spartacus. Donc Spartacus, d'abord, je crois que vous savez que c'est un esclave, c'est une révolte esclave à Rome. Et donc il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette guerre, dans la social-démocratie, qui sont créés le groupe Spartacus. Oui, mais en tout cas, si à un moment... Il y a la Ligue des Spartakistes, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent pendant cette guerre, aussi en Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu là-dessus? Oui. Donc, il faut d'abord voir un peu la situation. Et c'était une mobilisation complètement dingue, qu'on ne peut plus imaginer. C'était vraiment des millions et des millions de soldats dans les tranchées, sur les fronts, avec de gaz et des horreurs qu'on ne peut pas s'imaginer. Bon, je crois que c'est ce qu'on a eu un peu surtout ici en Belgique, parce que ça jouait quand même en partie en Belgique. Donc, c'était vraiment affreux. Et encore aujourd'hui, n'importe quel village en Allemagne, en Belgique, en France, on trouve les monuments pour les morts de chaque village. Il y avait vraiment... chaque village, il y a une dizaine de jeunes dans des tout petits villages qui sont morts au front. Donc ça, c'est les hommes et les femmes. Et la plupart des femmes devaient travailler dans les usines d'armement. Et donc ça donnait après quand même un affranchissement des femmes, parce qu'ils ne voulaient plus rentrer cuisiner à la maison et faire femme de ménage. Et ils ont compris qu'ils pouvaient faire tout à fait le même travail qu'un homme. Mais c'était quand même un régime militaire dans les usines, et c'est surtout les femmes, en fait, qui ont fait des grèves. Il y a eu des grèves très fortes, des grèves des munitions, mais on parle de ça, mais on parle très peu de ça, qu'en fait, c'était surtout des femmes qui faisaient ces grèves. Il y a eu aussi, qu'on parle jamais, c'est qu'il y a eu la grève des ventes. C'est-à-dire que les femmes ne voulaient plus être enceintes. Faisait la grève des ventes, ne voulait pas faire des enfants, en disant on ne veut pas faire des enfants parce que c'est de la chair à canon. Et ça, on n'en parle jamais de la grève des ventes. Et ça a été un mouvement extraordinaire, parce que même la police française et l'armée française les ont assaillis et tout, parce qu'ils ne supportaient pas que tu ne sois pas nationaliste et tout. Et c'est un mouvement extraordinaire. Un jour, je pense qu'on devrait faire une émission sur la grève des ventes. Bonne idée. Oui, les femmes, ils ont... il y a eu aussi des conférences clandestines. Bon, il y a eu la Suisse comme pays neutre qui était très important. Il y a la conférence, je crois, qui s'appelle des Sinnwald, où il y avait Lénine, il y avait Rosa Luxemburg, il y avait plein de grosses têtes, ils sont des différents pays, tout ça en clandestin. Mais il y avait aussi à Berne, en 1915, en pleine guerre, une conférence des femmes contre la guerre. Mmh. Il y avait, bah, c'était tout petit, c'était 25 femmes socialistes, mais il faut voir les conditions en pleine guerre pour se réunir, c'était pas facile. Et donc il y avait une Française et 7 Allemandes, donc ils se sont essayés de s'organiser contre la guerre. Donc il y avait tout au long de la guerre des mouvements. Il faut savoir surtout que les conditions au front, comme dans les villes en Allemagne, je pense en France c'était peut-être pas mieux, mais en Allemagne surtout, les deux derniers hivers, c'était vraiment horrible. Il n'y avait plus assez de charbon, il n'y avait surtout pas assez à manger. Donc les gens, ils ont dû survivre avec des betteraves. Et il y a eu des révoltes, ils ont pillé des magasins. C'était les femmes surtout qui devaient nourrir leurs gosses, quoi. Et en plus, travailler comme des dingues. Donc ils ont pillé les magasins de pain, de beurre, et pour survivre simplement. Donc ça, la morale était très basse. Et pourtant, c'était pas, il n'y avait pas un esprit tellement révolutionnaire. Mais des grèves, oui, il y a eu plusieurs grèves importantes. Déjà, peut-être je commence un peu avec les dates. Le 1er mai 1916, il y a eu une manifestation contre la guerre à Berlin, en pleine guerre, réprimée évidemment. Mais Liebknecht a osé parler quelques minutes, il était arrêté tout de suite. Et depuis là, jusqu'à la révolution, fin 18, il était en prison en fait. Et un mois après, 28 juin 1916, il était censé être condamné. Donc il y a eu une très grosse grève en sa faveur. Donc il était quand même, c'est quelqu'un de très populaire. Et 70 000 personnes, ils ont fait grève à Berlin, une grève politique pour soutenir Liebknecht. Il a quand même chopé 4 ans de prison. Donc il est sorti quand même voilà, juste avant la révolution. Mais il faut savoir que la répression était telle, toute forme d'organisation, qu'en fait, les groupes Spartacus étaient plutôt, jusqu'à la Révolution, assez marginalisés. Il y a eu des grèves où on a chopé certains leaders, qu'on a isolés aussi, donc c'était très difficile de s'organiser. Et la structure la plus importante, en fait, qui a donné la force pour la Révolution après, c'était ce qu'on appelle les délégués de l'atelier, donc c'était des délégués de confiance, un peu clandestins, qui se sont entre eux, toute l'Allemagne peut s'organiser, donc ils se sont fait des réunions secrètes, ils étaient quelques milliers, quoi. Et c'était ça, l'organisation vraiment cœur de la Révolution. C'est eux qui ont vraiment déclenché les révolutions de plusieurs villes, finalement à Berlin, en novembre 18. Voilà. Mais il y a eu aussi en Suisse, qu'on ne dit pas, il y a eu une grève énorme qui était en... Je me souviens plus de la date exacte. Je pense qui en, a été en 1916. Zurich, 16 ou 17. Il y a eu une grève énorme où la police a tiré sur la foule, quoi. Et ça a été énorme. Et on n'en a jamais parlé. Et les Suisses étaient contre la guerre. Et même du côté suisse-allemannique, c'est-à-dire suisse-allemand, il y avait plein de gens qui ne voulaient pas la guerre, quoi. Mais c'est clair, il y a eu des soulèvements un peu partout. Là, maintenant, bon, je m'en concentre un peu sur l'Allemagne parce que je pourrais parler d'autres pays, mais je sais un peu moins et surtout, je ne m'ai pas préparé. Je fais donc, une parenthèse. Voilà. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Donc, il n'y avait pas vraiment une situation révolutionnaire tout le long de la guerre, mais plutôt les souffrances. Il y avait quand même... des grèves politiques de plus en plus contre la guerre, pour une paix. Disons peut-être la grève la plus importante qui a déjà un peu prononcé la révolution, c'était janvier-février 18, donc en plein hiver, le deuxième hiver d'horreur avec le betterave et tout. Donc c'est ça aussi, c'est les travailleuses des munitions qui ont déclenché cette guerre. Un demi-million de, surtout que je crois des femmes qui étaient en grève. Et ça a duré toute une semaine, en fait, avec des luttes. D'abord, c'était prévu 2-3 jours, et grève. Et en fait, c'est devenu une espèce de presque une guerre civile, déjà, en janvier-février, avec des fortes répressions et beaucoup d'arrestations. Mais quand même, une grève dure des un demi-million des ouvrières, surtout. Et puis, entre-temps, il y a aussi la révolution en Russie. Oui, hein, voilà. Ça a aussi donné, évidemment, beaucoup de courage. Et on espérait même qu'un soutien concret plus tard, qui ne s'est jamais vraiment réalisé. Et en plus, il y a eu déjà un soulèvement sérieux dans la marine, 1917, mais c'était maté, ils ont tué plusieurs soldats. C'est bizarre, je ne sais pas comment c'est possible qu'il y ait deux noms de deux soldats qui ont survécu le fascisme et tout. Et ils ont toujours la Köpitz et Reichpitz. C'est deux soldats qui étaient leaders, qui étaient tués à Cologne, qui menaient ce soulèvement de 1917. Donc ça, c'était maté. Mais bon, on va voir un an après, 18, novembre 18, où les responsables italiens y organisaient un peu la structure pour une éventuelle révolution. Ils disaient, oui, peut-être 1919, on verra bien. Mais ils envoyaient des messages à tous les ateliers partout en Allemagne. Et toujours les informations qui revenaient, non, les gens ne sont pas du tout prêts, il n'y a pas d'effervescence révolutionnaire, ça ne va pas marcher. Mais tout d'un coup, ça a très très vite changé. En fait, c'était, voilà, je passe à ça, le novembre, fin octobre 1918, la guerre est pratiquement finie, vraiment, pour l'Allemagne. Ils ont vraiment, ils sont en train de perdre. Et les Kaiser, les hauts militaires, veulent envoyer toute la flotte à attaquer l'Angleterre. Tout le monde savait que c'était une mission complètement suicidaire, complètement dingue. Le premier qui meurt, évidemment, c'est les pauvres qui sont tout en bas du bateau. Les officiers vont survivre et tous les milliers qui mettent le charbon dans les machines, qui vont couler comme des rats, quoi. Donc, c'est le premier qui devait mettre le charbon dans les machines pour tourner les machines à vapeur. Ils ont dit non. Ils ont croisé les bras. Ils ont dit, on n'est pas fous. On n'a pas envie de mourir. Donc, évidemment, les officiers hyper fâchés, ils ont envoyé la marine de Wilhelmshaven à Kiel. Et là, la même chose, ils ont toujours refusé de partir vers l'Angleterre. Et alors, les officiers commençaient à menacer avec des pistolets. Là, quelques officiers ont pris leurs armes et c'est devenu très, très vite une mutinerie. Fin octobre, et après ça a pris du feu vraiment en toute l'Allemagne. Ça a commencé dans le nord, donc tous les ports, donc Kiel, voilà, première ville, après Hambourg, Bremen, Lübeck et d'autres villes portuaires. Après, c'est descendu du nord vers le sud. Bizarrement, même avant Berlin, il y a eu la révolution quelques jours avant Berlin à Munich. J'ai dit ça aussi parce que je suis de Munich, et ça fait plaisir parce que je dis toujours... À partir de la révolution détruite 1919 à Munich, c'était toujours conservateur jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Non, mais c'est une époque très intéressante. C'est vrai qu'à Munich, il y a eu un grand truc prolétaire et tout, qu'on fait une révolution, qu'on parle. Comme tu dis, on ne parle jamais. Oui, c'est un royaume quand même, un royaume avec une grosse ville industrielle. Il y a aussi Nuremberg, d'autres villes industrielles, mais Munich, c'est une grosse ville industrielle. D'ailleurs, c'est toujours une ville très importante pour aujourd'hui pour des technologies de haut niveau. Il y a Messerschmitt-Bölkow-Blohm, les hélicoptères. Si vous voyez un hélicoptère de la police ici, c'est un hélicoptère qui fait à Munich, par exemple. Il y a BMW. Klaus Maffei, les chars. Si vous allez en Kurdistan, les Turcs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas des falses ou des chars, c'est des chars de Munich. Non, mais il y a surtout BMW, voilà. qui est connu dans le monde entier. Voilà. C'est aussi pas seulement les voitures, évidemment, aussi ils sont dans le marché des armes aussi. Voilà, donc Munich, c'est une ville, c'est intéressant, ça s'est déclenché quelques jours avant, en novembre aussi, mais c'était le 9 novembre à Berlin. D'ailleurs, on avait prévu le 11 novembre, mais il y avait une vague d'arrestation des leaders qui étaient en clandestinité. Ils avaient peur qu'ils allaient tous arrêter, donc ils ont avancé la révolution pour le 9, 2 jours avant. Et là, donc, c'était vraiment la levée en masse, surtout dans toutes les usines, où il y avait surtout des femmes, évidemment, qui ont parti marcher vers les centres-villes. Et en fait, ils ont d'abord convaincu plein des installations militaires. Les soldats, ils ont hissé les drapeaux rouges, ils sont venus avec les armes. Et alors, il y a eu quelques... très très peu de batailles où un officier a atterri sur ses soldats qui voulaient partir. Mais en gros, il n'y avait pas de sang qui a coulé pratiquement ce jour-là. C'était une énorme masse de gens qui ont pris le château. L'empereur, il était où? Il était en Belgique, il était à Spa, dans son hôtel de luxe. Et il n'a évidemment plus osé rentrer. Hein, et les autres rois, comme Bavière, en Saxe, ils ont tous été chassés. On dit en Bavière, le roi était dans les parcs tranquillement, il n'avait aucune idée, il y avait une révolution. Et un monsieur disait, excusez-moi, monsieur roi, c'est la révolution. Alors il a pris peur, il a pris sa voiture, ils se sont cassés vers l'Autriche avec très peu de choses qu'ils avaient, vraiment en panique. Donc, ouais, c'est passé comme ça. Quoi. Ils avaient des comptes bancaires. Ils avaient non, des non, comptes non, bancaires. Non, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Vraiment, le roi de Bavière, il a eu des problèmes. Maman, il n'avait pas le temps de prendre son argent. Et ce n'était pas encore des cartes bancaires comme ça. C'est... Non, il a eu des problèmes de financiers après. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais bon, alors, tous les rois étaient déchus partout. Il y avait plusieurs royaumes. Hein. Oui, on le sait peu, en fait, les gens ne se réalisent pas que jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc il y avait l'Empire, enfin il y avait le Kaiser, hein, l'Empereur, ouais. Mais donc il y avait toute cette ancienne féodalité, les ducs, les comtes, les rois qui étaient toujours là, en fait, c'était l'élite aristocratique, qui était, c'était aussi les officiers dans l'armée. Oui, c'est ça. Ils étaient tous déchus, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la social-démocratie majoritaire était complètement contre toutes ces grèves, d'abord. Les grèves assez spontanées, ils étaient en général presque toujours contre. Et ils étaient contre surtout des grèves politiques. Ils ont déjà rentré dans un gouvernement pour sauver un peu l'empereur tout à la fin, je crois que c'était en octobre, très peu avant la chute de l'empereur. Et en fait, une fois que la révolution était déclenchée, Hébert, qui était en fait quelqu'un qui était vraiment contre cette révolution, il a juste occupé la chancellerie du kanzler. Bon, il y avait toujours, il y a toujours deux postes aujourd'hui. Hein. Il y a le président, qui est un peu ce qui fut l'impérateur avant. Donc c'est un poste plutôt... symbolique, disons, il n'y a pas un pouvoir politique, il y a les chanceliers. Les chanceliers existaient déjà sur l'empereur, il y a toujours, maintenant c'est une chancelière, Madame Merkel, mais c'est toujours le même poste, quoi. Bon, Monsieur Hitler était aussi chancelier. Voilà. Oui, après, il a juste continué jusqu'à 1945, mais il était voté comme chancelier. Et donc, Ebert s'est fait chancelier, plus tard il est devenu président. Ebert, c'était le président du Parti Socialiste. Oui, il était quelqu'un... Une chose qu'il faut dire aussi, c'est très important pour Berlin, il y a un grand journal qui s'appelle Der Vorwärts, c'est le plus grand journal socialiste en centrale, un peu comme, je ne sais pas, est-ce que c'est ici, les drapeaux rouges, oui, je sais pas. L'avenir. Vorwärts, donc c'était le grand journal social-démocrate, je pense que c'est peut-être le plus grand journal dans toute l'Allemagne, jusqu'à cette époque, autour de la Première Guerre mondiale. Et en fait, 1914, la majorité était contre la guerre. Et la coupole de la social-démocratie qui était pour la guerre, ils ont changé, ils ont en fait viré tout ce qui était contre la guerre. Ils ont mis des gens conformes avec eux. Donc, on n'a pas parlé du vol de Vorwärts. Donc, en fait, Vorwärts, c'est une histoire triste. À un moment, pendant la révolution, janvier 19, il y a les révolutions qui vont occuper les Vorwärts. Parce qu'on dit que c'est fini avec ces contre-propagandes anti-révolutionnaires, social-démocrates. Et on l'occupe, on fait une vraie presse correcte, quoi. Donc voilà, si je pouvais parler de social-démocratie. Donc ils ont conspiré un peu avec ils ont conspiré surtout avec le haut militaire. En fait, le chancelier avant, c'était Grün, je crois. Bon. Il y avait une ligne rouge, en fait, de la chancellerie vers le haut commandement militaire, je crois qu'il était à Kassel, si je ne me trompe pas. Et donc, cet éléphant rouge était très important pour Ebert parce qu'il a pu secrètement conspirer tout de suite. Il y a toujours les gens dans la rue et Ebert déjà conspire avec les militaires pour abattre la révolution, déjà depuis les débuts. Hein. Ça, c'est important de savoir ça. C'était depuis les débuts, c'était leur plan d'insérer le calme, et rentrer dans les calmes et détruire en fait ce mouvement révolutionnaire. Anfang des Jahres 1919. Berlin ist rot. Aber die alten Feinde rüsten und schlagen zu. Doch die Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht werden Signal und kämpferische Verpflichtung für die Arbeiterbewegung. Auf zum Kampf! Ähnlich bindende Kraft besaß das Büchsensteinlied. Arbeiter unter Führung des radikal-marxistischen Spartakusbundes wehren sich gegen das brutale Eingreifen der Reaktion, das von dem berüchtigten sozialdemokratischen Reichswehrminister Noske geleitet wurde. Der Bund hatte sich den Namen Spartakusbund gegeben, in Erinnerung an den Führer eines großen Sklavenaufstandes, der 73 vor Christi begann und erst im Jahre 71 blutig niedergeschlagen wurde. Spartakus fiel in der Schlacht. Hinter Barrikaden aus Papierrollen halten die Arbeiter Verlagsgebäude im Berliner Zeitungsviertel besetzt, als Protest gegen die militärisch organisierte Reaktion. Büchsenstein ist einer der umkämpften Verlage. Am 12. Januar ist der Widerstand der Arbeiter gebrochen, 3 Tage vor dem Doppelmord. Das Lied wurde alljährlich zum Jahrestag der Morde auf einem Demonstrationszug zur gemeinsamen Grabstätte Liebknechts und der Januarkämpfer gesungen. Die Versuche der Polizei dagegen einzuschreiten waren erfolglos. Das Büchsensteinlied und die Entschlossenheit der Arbeiter, ihrem Protest lautstarken Ausdruck zu geben, blieben stärker. Januar um Mitternacht, ein Spartakist stand auf der Wacht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Er stand mit Stolz, er stand mit Recht, stand kämpfend gegen ein Tyrannengeschlecht. Und mit der Knarre in der Hand, er hinterm Zeitungsballen stand. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Die Kugeln pfeifen um ihn rum, der Spartakist, er kümmert sich nicht drum. Und donnernd dröhnt die Artillerie, Spartakus hat nur Infanterie. Granaten schlagen bei ihm ein, die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. Granaten schlagen um ihn ein, die Noske Hunde stürmen Büchsenstein. O Büchsenstein, o Büchsenstein, Spartakus sein heißt Kämpfer sein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Wir haben gekämpft bei Büchsenstein und dafür sperrt man uns ins Zuchthaus ein. Und wofür kämpft der Spartakist? Damit ihr's alle wisst. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. Er kämpft für Freiheit und für Recht. Nicht länger sei der Arbeitsmann ein Knecht. O Spree Athen, o Spree Athen, viel Blut hast du gesehen. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartakusblut. In deinem Friedrichsfelde ruht so manches tapfere Spartakusblut. Oui, en fait, c'était une autre chanson, puisque le fichier ne marchait pas. Donc ça, c'était Hans Ernst Jäger. Tu connais la chanson? Oui, oui, c'est une chanson connue sur Buxenstein. Buxenstein, c'est une édition. Donc là, j'ai parlé un peu des Vorwärts déjà. Donc il y avait plein de journaux, même pas social-démocrates, mais réactionnaires, qui ont joué un rôle contre-révolutionnaire. Donc, à un moment où, disons, la deuxième phase de la révolution, je vais revenir sur ça tout de suite, en janvier 19, donc les ouvriers progressistes, pas forcément spartakistes, mais bon, en partie, ils ont occupé les éditions pour créer des médias. À l'époque, c'était que des journaux, des médias révolutionnaires. Donc, ils se sont fait attaquer par les socialistes avec les militaires qui conspiraient déjà à détruire la révolution. Et donc, ils parlaient ça. Buxenstein était pris, le Vorwärts était pris. Et il y a eu beaucoup de morts. En fait, on a commencé à partir de janvier utiliser tout le matériel de la guerre en pleine ville, à Munich plus tard aussi, en mai. Mais c'était d'abord à Berlin, en janvier 19. On a utilisé l'aviation, des canons, on a utilisé les lance-flammes dans les quartiers ouvriers. Ils ont fait vraiment la chasse aux ouvriers révolutionnaires. C'était affreux, quoi. Mais d'abord, je vais peut-être expliquer que j'ai déjà parlé un peu des intérêts de la coupole des social-démocrates qui n'étaient pas du tout pour la révolution. Il y a toujours cette fameuse histoire que aujourd'hui, on dit toujours, oui, c'est Scheidemann qui a déclaré la République. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La grande masse des ouvriers allait vers le château et le grand leader respecté, Karl Liebknecht, a fait un discours, un balcon du château, déclarant la République socialiste. Mais juste une heure avant, les ouvriers passaient à côté du Reichstag, et d'une fenêtre, et spontanément, Scheidemann, c'est un autre politicien qui était dans une conférence, il n'était pas dans la rue du tout, parce que ça ne l'intéressait pas du tout, il était contre la révolution, mais là, spontanément, il a déclaré la République d'une fenêtre. Il y a peu de gens qui l'ont écouté, mais quelques gens, ils ont applaudi, après ils ont continué vers le château. Et après, elle était Friedrich Ebert l'a engueulé, comme elle osait dire ça, faire cette déclaration. Bizarrement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a collé? C'est Scheidemann qui a déclaré la République. En fait, c'était un peu une déclaration bidon qui était même... il était même critiqué par Ebert. En fait, la vraie déclaration de la République, c'était Liebknecht. Mais bon, c'était une heure après, donc on a un peu écarté cette histoire. Donc voilà, il y avait cette double structure, donc Ebert Chancel, les social-démocrates avec les militaires, et d'autre côté, il y avait les conseillers ouvriers, il y avait des conseils des soldats, des ouvriers, mais aussi des femmes, des artistes, des paysans, plein de différentes structures, mais c'est surtout dans des soldats et dans les usines que les gens, ils ont voté pour des représentants qui étaient irrévocables tous les temps, qui allaient vers la première très grande conférence qui a duré 5 jours, le congrès des conseils à Berlin du 16 au 21 décembre. Donc ça, c'était une structure. L'autre, c'était évidemment recréer une structure parlementaire où les socialistes majoritaires luttaient pour ça. En fait, déjà dans les congrès des conseils, malheureusement, les socialistes majoritaires, ils avaient la majorité dans ce congrès. Ils ont réussi, avec les manipulations, pousser à dire « oui, on faut une constituante pour une nouvelle une république, il faut un parlement ». Donc, disons, entre novembre et janvier, il y avait les deux structures. Mais déjà, quand les troupes rentraient du front, Ebert et d'autres politiciens, ils ont essayé à Brandenburger Tor de les saluer, essayer de les recruter pour la contre-révolution. En général, ça n'a pas marché. Pas mal, ils sont juste rentrés chez eux, ils avaient marre de la guerre. Et pas mal d'autres, ils ont rejoint la révolution. Donc, c'est important parce qu'il y avait peu d'armes aussi. Hein. Les révolutionnaires n'avaient pas beaucoup d'armes. Donc, et les soldats qui rentrent avec des armes en main, c'est important. Et donc, disons, entre novembre et janvier, c'était un peu... on ne savait pas vers où ça allait. Le 24 décembre, Noël... Il y a une grande attaque, on essaye déjà d'échouer la révolution du château, le point fort de la ville, quoi, où il y avait la marine, les soldats les plus féroces, plus, disons, décidés, c'était quand même les marins des ports qui sont allés jusqu'à Berlin. Et donc, c'est eux qui tenaient les châteaux et des installations autour, et ils étaient attaqués par l'armée. Dirigé par les sociaux-démocrates le 24 décembre. Le château un peu déchiré, il y a eu des morts. Et en fait, la USPD, donc les socialistes indépendants, étaient tellement choqués qu'ils se sont... Il y avait une structure des commissionnaires. Il y avait Ebert comme chancelier. Mais d'autre côté, il y avait les commissionnaires, donc la double structure du pouvoir. Les commissionnaires, il y avait d'un côté, ils étaient votés par le congrès des conseils, il y avait les socialistes majoritaires, donc anti-révolutionnaires, mais il y avait aussi la USPD, donc les indépendants. Mais avec cette attaque-là, j'espère que c'est clair ce que j'explique, le 24 décembre, la USPD démissionne. Qui était peut-être une grave erreur parce qu'ils ont laissé les champs aux socialistes majoritaires, ils ont pris les postes. Et là, Noske, le fameux Noske, et notre qui s'appelle Wiesel, qui m'a connu, ils ont pris les postes. Et donc, Erich Noske, c'est devenu ce qu'il disait lui-même, hein, il y a un qui doit être le chasseur, comment il disait, einer muss der Bluthund sein, c'est ça qu'il disait. En fait, der Bluthund, c'est les chiens de chasse qui chassent les esclaves. Qu'ils ont pris la fugue. Donc, lui, vraiment, il avait c'est ça en tête. C'était très clair. Il savait qu'il allait mater et détruire la révolution par la force. Mais peut-être qu'il faut bien expliquer dans le sens que... donc, il y a des structures à la base informelle qui se forment autour des usines, des conseils d'ouvriers. Puis, il y a des conseils de soldats. Il y a d'autres groupes. Et on essaye... en fait, de fédéraliser ça dans une structure, dans une forme de démocratie révolutionnaire, basée sur un système de conseils. Exactement. Et puis, de l'autre côté, pour contrer ça, on essaye d'installer une démocratie parlementaire, comme on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et donc, en janvier, on va organiser des élections pour, mettre de côté ces structures de démocratie révolutionnaire et de la remplacer par une démocratie parlementaire. Et c'est ça que les socialistes majoritaires, ils font. Ils sont dans cette dynamique-là. Exactement, oui, c'est ça. Et je trouve que c'est toujours très intéressant, ces idées de créer des conseils avec des gens révocables tous les temps qui sont rétribués directement à ceux qui les ont votés pour eux. Et ce n'est pas une structure où tu votes pour 4 ans et après, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des lobbying avec les industriels. Non, c'est des contacts directs avec les usines, avec les comités des quartiers ou d'autres formes de structures. Et donc, c'est intéressant comme expériment. Ça s'est fait ailleurs aussi, hein, ce type de conseil. L'Union soviétique, quand même, les soviets, c'était ça. Bon, sauf que c'était une caricature de ça après. Mais bon, l'idée, c'était quand même ça, quoi. Des commissions, des conseils directs. Donc ça a marché pendant 2 mois à Berlin, pour l'Allemagne en général. Après, les conseils existaient toujours, mais il y avait très peu... Ils étaient pratiquement dans les attaques en janvier. C'était vraiment la chasse aux révolutionnaires, avec Noske à la tête, avec des militaires pas mal de militaires fascistes, déjà qui sont... il y avait des, ce qu'on appelle les Freikorps, les corps volontaires, payés par des industriels qui faisaient la chasse aux hommes. Donc, et ça, c'était, ça commençait en janvier. Et donc, à partir de, du 5, 4, 5, une chose très importante, c'était que le chef de la police de Berlin, c'était un révolutionnaire qui s'appelait Eichhorn. C'est un révolutionnaire de la lignée de la USPD, la social-démocratie indépendante anti-guerre. Et donc, lui, il gênait évidemment énormément. Donc, on l'a viré le 4 janvier. Et là, à partir du 5 janvier, là, le champ était libre pour l'attaque générale militaire contre tous ces révolutionnaires. Donc, Buxenstein et ces luttes-là, c'est ces jours-là, en janvier. Et pendant 10 jours, plus ou moins, les révolutionnaires Rosa Luxemburg, Kalibknecht et d'autres, ils doivent se cacher. Ouais. Tous les jours, ils doivent changer leur cache. Et finalement, ils ont attrapé et ils ont assassiné. Ouais. Et les corps de Rosa Luxemburg, en fait, on ne les trouve pas. Et là, on l'a jeté dans un canal. Et ils l'ont trouvé quelques mois après seulement. Donc ils ont fait un enterrement, mais en fait le comment ça s'appelle, la stèle, le monument, non, le cercueil pour le Rosa Luxemburg était vide en fait, parce qu'on l'a pas trouvé. Donc c'était déjà directement le 15 janvier 1900, une énorme manifestation de tous les ouvriers qui défiaient les socialistes majoritaires, évidemment tous les réactionnaires et les militaires. Et c'est jusqu'à ces jours-là, jusqu'à ça fait peu, en janvier, encore une fois, depuis 100 ans, les gens manifestent spontanément. Il faut savoir, évidemment, pendant l'Allemagne de l'Est, c'était la coupole de l'État qui allait vers Friedrichsfelde. C'était dans la chanson Friedrichsfelde. C'est le monument où il y a Rosa Luxemburg, il y a tous les grands socialistes. Pas tous, mais une bonne partie sont dans ce cimetière. Donc c'est une longue marche du centre-ville vers ce cimetière. Et c'est toujours aujourd'hui, si ce n'est pas des gens qui marchent, au moins des milliers vont là avec leurs fleurs. Ils déposent les fleurs devant le tombeau des révolutionnaires qui sont morts à ce moment-là. Donc c'est toujours dans la conscience des gens quand même. Non, mais il y a eu un documentaire sur Rosa de Luxembourg sur Arte, qui était super intéressant, parce qu'il parlait de la DDR d'une façon des dirigeants qui mettaient Rosa de Luxembourg en exergue et tout, mais qui ne donnait pas le côté de Rosa Luxemburg, qui était pour la liberté, que pour la liberté. Parce que ça les dérangeait. C'est-à-dire que même il y a eu des manifestations. Dans le documentaire, on voit des gens de la DDR qui, comment s'appelle, manifestent. DDR, c'est l'Allemagne de l'Est, hein. En fait, je n'ai pas le mot en français, mais c'est pareil. LDA. Voilà. Yeah, ouais. Et qui, comment s'appelle, qui manifestait en soutien de Rosa Luxemburg, qui disait qu'il ne faut pas avoir de violence, parce qu'elle était vraiment contre la violence. Et comment s'appelle, et il y a eu toute la police est-allemande qui sont intervenus d'une façon très, très, très dure. Il y avait les Vaupeaux, il y avait tout le monde, quoi. Bah, contre la violence, je dirais, il était sûrement pour une violence révolutionnaire. Oui. Ça, oui, mais... et aussi, je trouve sa position d'être très intéressante. Tout ce qu'elle parle sur elle-même déjà, comment on pourrait définir Rosa Luxemburg, c'est une juive, c'est une allemande, oui, c'est une polonaise, c'est une russe. Polonaise. Ou tout ça, ou rien. Mmh. Ben, elle aurait dit, non, elle-même, pas, probablement, elle aurait dit, je suis révolutionnaire, internationaliste, non, je m'en mais elle fous, avait rien de si russe. Je suis juif ou pas juif, ou polonaise. Non, elle avait rien de russe. Elle était. Non, elle était née en Russie. Elle est née en Russie. Oui. Elle est née en Russie. Donc, elle pourrait bien dire que je suis russe. Elle est née en Pologne. Oui, mais c'était russe à l'époque. Donc, si tu veux, elle était russe. Ouais. Mais juif, polonaise, allemande, à la fois. Ouais. Donc, voilà. Non, donc, elle a été allemande. Non, mais elle-même, elle disait toi, des choses très intéressantes sur la question des nationalités. Elle a été allemande par son mariage. avec, comment s'appelle... Oui, mais ça, c'est, il faudrait peut-être mais... faut que je sorte des textes d'elle pour me montrer comment ils s'en foutaient de cette question. Et, en fait, je pense qu'elle a toujours des réponses très, très intéressantes par rapport au nationalisme. Et qu'est-ce qu'on est, comme, qu'est-ce qu'on a comme identité. Donc, je pense qu'elle a des réponses qui sont toujours d'actualité. Elle était citoyenne d'identité. Du monde, peut-être. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Donc... oui, voilà, je vais peut-être juste finir un peu les dates de la révolution. Donc, on a un peu déjà détruit la révolution, les structures là, des conseils en janvier 19. Mais bon, quand même, toute la période de 1919 jusqu'à 23, c'était toujours une période de beaucoup, beaucoup de luttes révolutionnaires. Vraiment, le dernier grand essai vraiment de faire une révolution, là, c'était déjà les partis communistes de 1923 à Hambourg. Il s'est échoué, mais ça n'a pas marché. Mais bon, c'était le dernier essai. Mais il y a des choses qui, quand même, si on même en Allemagne, un peu oublié. Bah, il y a eu, pendant toutes ces années, des luttes acharné pour les pouvoirs entre des groupes fascistes, militaires, des gauches. C'est assez compliqué, mais une chose qui est très importante quand même, je trouve, c'est ce qui s'est passé en 1920, parce que 1920, c'est un grand essai de coup d'État par un militaire qui s'appelait Kapp. Et en fait, il a pris Berlin et avec des troupes. Ils ont réussi à prendre Berlin, mais il y a eu une énorme réponse en toute l'Allemagne, une grève générale énorme. Si on aurait eu ça en 1933, Hitler aurait été fini, quoi. Mais ce n'était malheureusement pas le cas. Donc, comment on sait ? Mais en 1920, en fait, il n'y a pas seulement eu une grève générale énorme, mais a eu une énorme organisation révolutionnaire dans plusieurs parties de l'Allemagne, notamment ce que aujourd'hui Saxe, Thuringe, le sud de l'Allemagne de l'Est, et surtout dans la Ruhr. Dans la Ruhr, il y a eu une armée rouge de plus ou moins 100 000 soldats armés, donc pas disons des ouvriers armés, et où à cette époque il y avait la USPD. Il y avait la KPD, mais il y avait là aussi, la, je crois que c'est la AAU, une des groupes anarchistes qui ont joué un rôle énorme pour organiser cette armée rouge qui a peu à peu libéré toute l'énorme zone de la Ruhr, qui, je crois, c'est la moitié de la Belgique, hein, avec des milliers d'habitants complètement libérés par l'armée rouge. Mais après, l'armée allemande a pris tout le matériel qu'ils avaient. Évidemment, ils ont encerclé ça. Et peu à peu, ils ont malheureusement peu à peu repoussé cette armée rouge. Et ça a duré un mois, je pense. Et finalement, ils ont massacré cette armée rouge. Et c'est une histoire que même dans la Ruhr, c'est presque oublié. C'est quand même dingue parce que c'était quelque chose de très important. Et cette soulèvement, cette grève et soulèvement, ça a quand même arrêté net. C'est coup d'État de Kapp. Donc la République a continué, bien mal que bien, et ça glissait plus en plus vers la droite, comme on sait. Après, depuis 1930, c'était l'extrême droite, et finalement, en 1933, Hitler, ça terminait avec ça. Pour terminer avec la phase révolutionnaire, donc 1923, il y a la grande, le temps de l'inflation. Premier essai de coup d'État de M. Hitler, d'ailleurs. Hein. Il a fait aussi un coup d'État, 1923, à Munich. Ça a échoué. Ils ont tué 12 fascistes. Mais bon, ils ont fait ça en dernier moment. Et Hitler, il a eu un an de prison de luxe à Landsberg. Où il a pu écrire son Mein Kampf, exactement. Ouais. Donc, voilà, on était vraiment déjà à cette époque aveugle. On disait que la justice est aveugle de l'œil droit. Il ne voit pas la droite qui peut faire des assassinats, ce n'est pas grave. Mais si la gauche fait quelque chose, là, il frappait très dur. Donc, après cette période, évidemment, il y a eu beaucoup de révolutions de mort et beaucoup de révolutionnaires qui sont restés en prison. Quoi. Beaucoup. Et peut-être le dernier truc que je voulais dire, c'est que j'ai un peu omis cette histoire de Bavière. C'était quand même intéressant parce que J'avais dit, en janvier, c'est fini la grosse mobilisation par là. Mais à Munich, ça a seulement commencé, en fait, avec l'assassinat du nouveau chef d'État de la USPD, donc c'est un révolutionnaire, c'est intéressant, Kurt Eisner, qui est un monsieur vraiment intéressant, quand même, mais était quand même pas hyper révolutionnaire non plus. Bon, il était chef de cette nouvelle république, de Bavière. Il était assassiné par quelqu'un de l'extrême droite. Et là, les ouvriers ont vu rouge, littéralement, et ils ont déclaré, ils ont dit, c'est fini avec les parlements, on chasse les parlementaires, on n'a plus envie de ces structures bourgeoises, et on crée un conseil, et les conseils vont avoir les pouvoirs. Et d'abord, c'était en fait, c'était les anarchistes, c'était Erich Mühsam, Landauer, Nikisch, moins connu, d'autres personnes, Ernst Toller, un écrivain, qui jouait un rôle là-dedans. Un peu plus tard, je crois en avril, il y a eu un coup dans cette république. Donc c'est les communistes qui ont pris les pouvoirs. Et après, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a les social-démocrates majoritaires, encore une fois, avec Noske, avec des corps libres, avec des groupes fascistes qui sont encerclés, les villes révolutionnaires, notamment Munich, évidemment, comme capitale. Et ils l'ont détruit, comme à Berlin, quelques mois avant. La même chose, les troupes, les lance-grenades, les avions. Et on a tué aussi quelques milliers des ouvriers avec beaucoup, beaucoup de sang. Et c'était fini à Munich aussi. C'était en mai, en fait. Les 3 mai, c'était fini avec la République, des conseils de Munich. Voilà. On passe une petite musique. Oui, je vais mettre une petite musique de notre ami Axel. Oh, oui, oui. Ouais, ouais. Ça va? Très bien. nous revoilà. Bah, je crois, il y a deux chapitres que je voudrais bien ajouter. C'est moins sur la Révolution, mais c'est plus sur la guerre même, la Première Guerre mondiale. Une chose, c'est tous ces intérêts des grosses compagnies. Je pense du côté allemand, c'est toujours le même. Il faut juste prendre un métro à Bruxelles, une bonne partie, ça dit ThyssenKrupp. Et à moi, ça me choque toujours parce que Thyssen et Krupp, d'abord, c'est pour moi le plus grand soutien pour le régime fasciste. Thyssen et Krupp, en fait, Thyssen était un peu triste parce que Krupp était devant. Thyssen, c'est le deuxième patron, il y avait aussi Flick, il y avait d'autres, mais le plus grand, c'était clairement Krupp de Essen. Et à Essen toujours, Krupp est très bien vu, mais en fait, Krupp, après la guerre... Il a fait la Grande Bertha. Ouais, voilà, ils sont entre autres. Et Krupp, c'était quand même, au moins après la Deuxième Guerre mondiale, était condamné comme criminel de guerre, était en prison. Et évidemment, avec la guerre froide, avec la guerre de Corée, on l'a vite sorti pour refaire des canons. Donc Krupp, c'est toujours des canons, c'est toujours production pour la guerre, ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé depuis très longtemps, en fait. Mm-hmm. Pour la Première Guerre mondiale, c'est qui était derrière ces guerres ? C'est le patron du charbon, le patron de l'acier, mais aussi la chimie. Hein. Il ne faut pas oublier la chimie, les gaz chimiques de Halabja en Kurdistan, les crématoires des camps de concentration, ou les fronts en Première Guerre mondiale avec les gaz, c'était toujours les mêmes compagnies. Et aujourd'hui, c'est Bayer qui a acheté Monsanto, comme on sait. Qui d'ailleurs, Monsanto aussi, a été actif, très actif en Vietnam. Ouais. Hein? Donc, c'est toujours les mêmes compagnies, en fait. Et qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai une histoire que je trouve assez impressionnante. D'une famille qui s'appelle... en fait, c'est une double famille, la famille de Wendel, la famille Schneider, qui ont un peu fusionné, ils ont intermarié. C'est deux grandes familles de la métallurgie de Forch en France. C'est un peu le correspondant à Krupp et Thyssen en Allemagne. Mm-hmm. Et en fait, ces barons de l'acier, ils étaient tous d'accord, hein, même si c'était deux pays différents, il faut prolonger la guerre au maximum parce qu'ils faisaient des bénéfices incroyables. Pourtant, il y avait des millions qui mouraient dans des conditions affreuses et eux, ils faisaient des bénéfices monstres. Donc, ils étaient très contents. Et cette histoire de Wendel Schneider, ça, c'est un peu... Bon, c'est contesté, mais c'est quand même... Je vous explique cette histoire. Donc, La Lorraine, comme vous savez, jusqu'à 1870, c'était français. Et Alsace-Lorraine, c'est devenu allemand. Oui. Entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. En fait, les Français, ils auraient pu reprendre militairement la Lorraine en 1914. Ils ne l'ont pas fait. Et en fait, il y a des traces. Ça a l'air de vraiment montrer qu'il n'y avait pas intérêt de prendre la Lorraine. Pourquoi ? Parce que la Lorraine fournissait 90% du minerai pour les chars et pour les canons des Krupp et Thyssen. Donc les Français voulaient que ça continue. S'ils auraient occupé la Lorraine, la guerre aurait été finie. Donc plus de bénéfices. Donc ils ont dit non, on ne touche pas la Lorraine, on laisse la Lorraine aux Allemands. Comme ça, ils continuent et nous continuons aussi. Ça nous convient, sauf évidemment, c'est secret. Il y a toujours des historiens qui disent non, ce n'est pas vrai. Mais il y a pas mal de traces qui montrent, vont dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant aussi, la famille de Schneider de Wendel a joué sur deux pianos même. Hein, de Wendel, ils étaient à un moment dans le Parlement à Paris. Et quand ça a changé, à partir de 1870, la famille de Wendel, je dois voir qui exactement, mais il y avait des membres de la famille dans les Reichstag. Donc ils ont joué sur les deux fronts, ils ont toujours profité. Autant qu'il y a une production d'armement, c'est bon, c'est peu importe quel côté. Quoi. Ça, c'est sûr. Ça. Voilà. Il y a plein d'entreprises en fait qui ont joué, qui étaient fournisseurs des deux côtés. Ouais. D'ailleurs, récemment, j'ai trouvé ça très choquant. Et les années 80, pendant la guerre Iran-Irak. Là, il y avait encore les deux Allemagnes, hein, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et on pourrait s'imaginer qu'Allemagne de l'Est a une autre politique. Mais non, ils ont fourni les deux côtés. L'Allemagne de l'Est a fourni des armes à l'Iran et à l'Irak. Et l'Allemagne de l'Ouest aussi, à l'Iran et à l'Irak. Ils étaient très contents. C'était une guerre avec des... Je sais pas, c'était une guerre atroce qui a duré des années et des années. Ça fait des milliers de morts. Tout le monde s'en foutait parce qu'il dit, bon, si les Irakiens, les Iraniens meurent, ça ne nous concerne pas. Non, mais surtout, on se met plein la poche. Non, ce qui a été scandaleux à cette guerre de Irak-Iran, c'est qu'il y a eu 5 millions de morts. Et ça a été l'horreur, on n'en a pas parlé. De l'Holocauste, il y a eu 6 millions de morts, on en a parlé, mais on n'a jamais parlé de ça. C'est-à-dire qu'au Vietnam, il y a eu plein, on en a parlé un peu, mais de cet épisode, on n'en a jamais parlé. Oui, parce que tout le West était complice, ils ont tous vendu pour des milliards. Donc c'est comme que le Yémen maintenant, les Allemands, ils vendent des chars et tout, et ça va à l'Arabie Saoudite, ils utilisent ça au Yémen, ils s'en foutent, s'il y a plein de gens qui meurent, les gens crevent de faim, autant que les profits, eh bien, voilà. Bah, le problème, c'est le problème des profits moi, si demain, je mets sur mon compte 10 000 dollars et que ça peut me rapporter 300 000 dollars, ben voilà, quoi, c'est tout. C'est le pognon, quoi. C'est l'argent, quoi. Et c'est simplement les États où tout ça fonctionne sur l'argent. C'est l'argent. C'est de prendre de l'argent. Les vies humaines, ils n'en ont rien à foutre. Les États, les multinationales, les grandes entreprises. Les multinationales, que ça soit Bayer, que ça soit Monsanto, que ça, comme mais tu viens de le dire. Je suis historien à la base, mais je n'ai jamais fait un travail pas approfondi sur cette histoire de Schneider, de Wendel. J'espère qu'un jour, il y aura un vrai livre qui va un peu mettre ça à la lumière, cette histoire. Imaginez-vous, cette guerre qui a duré 4 ans, elle aurait pu être terminée en 1914, excusez-moi, avec l'armée française qui invade la Lorraine. Et c'est fini, il n'y a plus de minerais pour faire des chars. Ça aurait été simple, mais en fait, ils ont fait tout pour éviter ça. Bon, OK, comme j'ai dit, il y a des historiens qui disputent ça, mais voilà, je crois que ce serait intéressant de faire une vraie recherche sur ça, parce que je pense qu'il y a... Il y a des choses à raconter. Oui, absolument. Voilà. Merci, Léo. Tu as encore des choses à nous dire ? Ouf. Oui, c'est l'autre chapitre, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, ça mériterait une autre émission entière, c'est le rôle des colonies. C'est quand même cette guerre, la Première Guerre mondiale, c'est quand même une guerre des pays des colonies. Donc la plupart de la guerre se jouait même pas en Europe, ça se jouait dans les colonies. Il y a eu des choses affreuses, on sait très peu, il y a eu tellement de troupes coloniales. Donc ça c'est tout un chapitre, malheureusement je connais très peu sur ça. Mais ça on pourrait refaire une émission, on peut faire une émission comme ça, parce que c'est intéressant. Parce que, il faudrait inviter quelqu'un qui connaît, parce que moi... Oui, mais ça on peut trouver... Parce que dans les guerres coloniales, il y avait toute l'Europe qui était impliquée. Il y avait les Portugais, il y avait les Français, il y avait les Espagnols, il y avait les Allemands, il y avait les Anglais. C'est incroyable le monde qui était impliqué. Ça s'est joué en Afrique. Ça s'est joué en Afrique. Surtout en Afrique. Comme tu dis, en Afrique, ça s'est joué en Afrique. Et qu'est-ce que les gens avaient à foutre avec les problèmes de l'Europe ? Ils devaient se battre entre eux. Et je crois qu'il y a eu pas mal des troupes, des colonies en Europe aussi, qui devaient se battre dans les tranchées. Pour quel intérêt, en fait ? C'est quelque chose complètement légitime. C'était le temps de l'Empire britannique. Ouais. Donc leurs armées venaient de tous les coins du monde. C'était britannique, allemand, français, tous les... Non, mais je veux dire, si tu dis britannique, tu dis aussi canadien, australien. Les burkas indiens, les soldats indiens, par exemple. Bah, tous ces gens-là ont fait partie de la guerre, quoi. Il y a eu des Australiens qui n'en avaient rien à foutre de l'Europe et qui ont été se faire bousiller dans les tranchées allemandes ou françaises ou belges dans la boue et tout. Des Australiens, des New-Zélandais, des tas de gens comme ça. Ok. Voilà. Bon. Merci Léo. Bon, merci. Léo, merci d'être venu. Hein. Et bah, une prochaine émission. De toute façon, quand il y a des émissions un peu historiques pointues, on t'appelle toujours. On passe un petit morceau de musique avant l'agenda. Show me. but now you shock me, baby. You shock me all night long. I know you really, really did, babe. I said you shock me, baby. You shock me all night long. You shock me so, oh baby, babe. I Ok, donc on va passer à l'agenda. Demain, 9 février, à partir de 19h30, vous avez à Akrata, rue de la Grande Île, numéro 32, 1000 Bruxelles, une soirée de soutien pour des prisonniers anarchistes italiens. Alors, le soir du Nouvel An 2017, un engin explosif déposé devant la librairie fasciste Il Bargello éclate au visage d'un policier peu soucieux qui l'enlevait à main nue. Le 3 août, le squat historique de Florence est perquisitionné et expulsé dans le cadre d'une enquête concernant deux épisodes, l'attaque de la Saint-Sylvestre et le jet d'un cocktail Molotov contre une caserne des carabiniers à Florence le 21 avril. Ces deux événements ont depuis lors été joints à l'opération Paniccio, entamée l'année précédente, menée contre diverses actions qui ont eu lieu entre janvier et avril 2016. Qui vont d'attaques nocturnes sur des locaux de Casa Pound ou de flics à des manifs sauvages ou encore un banquet antimilitariste. De nombreuses personnes ont été mises en examen, certaines d'entre elles soumises à des mesures de contrôle judiciaire puis libérées. Aujourd'hui, trois compagnons sont en détention préventive, inculpés de tentative d'homicide, de fabrication d'explosifs, le tout assaisonné d'une association de malfaiteurs. Peu nous importe de savoir s'ils sont coupables ou innocents. Alors que les locaux fascistes se multiplient sur tout le territoire italien, notre complicité va vers celles et ceux qui décident d'agir sans médiation contre la peste nationaliste pour réaliser un monde qui n'ait plus besoin de frontières, de prisons et d'autorités. Donc ça se passe là-bas, donc on vous propose de venir discuter, boire, manger, chanter pour aider à payer les frais liés à la défense des compagnons accusés d'avoir posé un engin explosif contre cette librairie fasciste. Le 31 décembre 2016 à Florence. Donc il y aura un point d'info, une bouffe et un karaoké. Je ne sais pas si le karaoké, c'est pas mal, mais enfin bon, on verra. Voilà, ça c'est pour demain soir. Alors, dimanche 10 février, vous avez au local Sacco et Vanzetti à Forêt, la commémoration... Non, pas à Forêt, c'est Chaussée-les-Forêts. Chaussée-de-Forêt, à Saint-Gilles, à 1060 Bruxelles, excusez-moi. Ouais. 54 Chaussée-de-Forêt à Saint-Gilles. Vous avez la commémoration Kendall Braise. Ces deux événements d'hommage à Kendall Braise auront lieu donc c'est 8 et 10 février. 8, c'était ce soir déjà. Kendall était un combattant breton des YPG, tué le 10 février 2018 en combattant l'envahisseur turc à Afrin. 2017, je pense, ça doit être. Enfin bon. À Afrin. Après la bataille d'Afrin, il avait combattu l'État islamique et défendu la révolution de Rojava. Donc aujourd'hui, il y avait déjà une soirée. Et demain, il y aura commémoration et hommage à Kendall Braise. C'était bien, 18, c'était l'année passée, l'invasion d'Afrin. Oui, c'est l'année passée, 2017, ils ont mis 2018. Dimanche. Non, c'était pardon 19. Dimanche. Hein dimanche. Oui, c'est dimanche 10 février. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, c'est dimanche 10 février. De toute façon, si vous regardez 10 février, vous verrez que c'est un dimanche sur votre calendrier. Voilà, donc ça c'est pour dimanche. Donc ensuite, lundi, il y a une inauguration de la bibliothèque L'Anarchive, avenue Boyle, 131 à Ixelles. C'est à partir de 17h, avec des petits fours et des cervezas. Alors venez boire un coup à la santé de notre bibliothèque, toute fraîche. Si vous avez des super bouquins subversifs à donner, c'est le moment de les apporter. L'accès se fait par l'arrière. Alors, il y a un numéro de téléphone, si vous galérez, c'est le 02 650 21 66. Alors, au programme, donc, le 11, il y aura une inauguration de la bibliothèque. Ça se fera en deux temps, le 11-2 à 17h. Et le 18-2 à 19h, il y aura une discussion sur l'amour. Il y a plusieurs temps. 18-2, 19h, discussion sur l'amour. Le 11-3 à 19h, une discussion autour de l'anarchie. Le 18-3 à 19h, groupe de lecture manifeste contre le travail du groupe Crisis. Et le 25-3 à 17h, crypto-party. Voilà. Et tout ça se passe donc à l'Anarchive, avenue Boyle, 131 XL. Mine 60. C'est près de. Excuse-moi, c'est près de. 1050. 1050. C'est près de l'ULB, non ? C'est ça ? C'est près de l'ULB, oui. Ouais. Pas très loin de l'ULB. Mmh. Voilà. Et alors, le 12 février, vous avez également le procès des militants. Du militant anti-TTIP qui a détourné des écrans publicitaires. Donc, c'est un rassemblement en solidarité contre la répression et contre la répression. Le 12 février, donc à 8h, place Poulart. L'audience est publique et soyez donc les bienvenus. La séance aura lieu dans la salle 0117 du Palais de Justice. Non, c'est important que vous y alliez. C'est important que vous y alliez parce que la publicité, elle est partout. À la radio, comment ça s'appelle ? Dans les boîtes, dans les boîtes, tous les boîtes, comme on appelle. En carton. En carton. Non, les boîtes dans ta maison et tout, il faut complètement s'insurger. Et il y a le téléphone. Et quand vous avez un téléphone fixe, on vous appelle deux fois par jour pour vous vendre les salades des grands groupes ou des petits groupes ou des petits trucs et tout et tout. Et allez-y parce que c'est important. Il faut être contre la publicité. Là, c'est un détournement d'images publicitaires. Ouais. Des affiches. C'est bien, ça. Alors, je vais faire la déclaration de soutien à ce procès. Suite au détournement d'écrans publicitaires pour diffuser des messages contre les traités de libre-échange en juillet 2016, un militant est poursuivi pour faits de sabotage et piratage informatique. Il risque de la prison et une lourde amende. Nos organisations expriment leur solidarité et dénoncent le caractère répressif et disproportionné de la justice envers ces actions inscrites dans la lutte contre les traités de libre-échange. Le panneau publicitaire géant Coca-Cola, situé place de Brouckère, avait été la cible d'une action le 10 juillet 2016. Le logo avait été remplacé par le message TTIP Game Over, No more negotiation, no more free trade deals, it's time for action, ainsi qu'un appel à la manifestation du 20 septembre contre les accords de libre-échange TTIP et le CETA qui avait rassemblé 15 000 personnes. Le procès reprend avec les mêmes faits reprochés trois autres panneaux publicitaires, Place Stéphanie, rue de la Loi et à la foire du Libramont. À la suite d'une enquête avec perquisition, le militant est appelé à comparaître le 12 février 2019 pour fait de sabotage et piratage informatique. Il risque théoriquement plusieurs années de prison et une amende allant jusqu'à 125 000 euros. Nous affirmons notre solidarité avec les militants, les militantes victimes de répression suisse aux actions directes menées dans le cadre de la lutte contre les traités de libre-échange. À l'appel de la campagne TTIP Game Over, cet appel qui invitait à organiser des actions directes non violentes et de désobéissance civile en vue de mettre un terme aux négociations des traités de libre-échange, notamment le TTIP et le CETA, nous est apparu comme légitime, nécessaire et pertinent. L'objectif de ces actions reste pertinent puisque les parlements de l'Union européenne, y compris la Wallonie, sont en train de ratifier l'accord de libre-échange avec le Canada. D'autres traités similaires, comme le Mercosur, qui concerne l'UE et certains pays d'Amérique latine, sont en cours de négociation. Ces traités de libre-échange obéissent à une logique d'accumulation capitaliste qui fait passer l'intérêt des puissants au détriment des droits sociaux et des règles de protection de l'environnement, creusant encore les inégalités. Notre opposition au libre-échange se place du côté des personnes opprimées et contre toute forme de nationalisme. Nous dénonçons la logique d'ouverture des frontières aux capitaux et marchandises, alors qu'elles se ferment de plus en plus aux personnes migrantes. Nous considérons les modes d'action utilisés dans le cadre de TTIP Game Over comme complémentaires aux actions menées par nos organisations et qui ont contribué à faire de cette lutte au traité de libre-échange un mouvement largement suivi et diversifié. 1500 villes, communes et régions d'Europe s'étaient déclarées hors TTIP, marquant leur opposition à ces traités. La plus grande pétition européenne avait été déposée avec plus de 3 millions de signatures. De nombreuses manifestations et actions se sont déroulées dans différents pays européens. Donc nous vous donnons rendez-vous le 12 février à 8h, place Poulard, pour exprimer votre solidarité. Et cette déclaration est signée par plusieurs organisations, notamment la Ligue des droits de l'homme, le CNCD 11-11-11, Fuega, puis d'autres organisations, Forum Gauche Écologie, Bridaxi, les Amis de la Terre, organisation de Écolo, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, la JOC, Campagne Stop Répression, etc. Donc il y aura donc de 8h à 8h45 une prise de parole. À 8h45, vous pouvez rentrer dans le palais de justice. Et à 9h... D'injustice, oui. Et à 9h, début de l'audience. C'est une audience où vous pouvez assister, où tout le monde peut assister. Mais au dernier moment, ils vont dire qu'on ne peut pas rentrer, ça c'est sûr. Enfin voilà. Donc ça se passe mardi 12 à partir de 8h. Allez-y, parce qu'il faut, faire une guerre contre la publicité. Et allez-y, casser tous les trucs publicitaires. Et si la publicité sera plus là, on vivra mieux. Ok. Et bon, pour le reste de l'agenda, je reparlerai mercredi prochain, puisque nous revenons mercredi prochain. Alors, mercredi prochain, nous aurons une émission avec le retour de Coiffure Liliane. Ah, ok. Le cabaret Coiffure Liliane. Voilà. Alors, pour vous dire aussi également que l'émission de ce soir sera rediffusée le 20. Mercredi 20. Mercredi 20. Mercredi 20. Non, pas dans une semaine, mais la semaine pas après. Pas mercredi prochain, mais le mercredi 20. Février. Parce que mercredi prochain, normalement, on a Coiffure Liliane. Et on fera la rediffusion le vendredi. Et après, on a mercredi 20, la rediffusion des Spartakistes. Oh oui, c'est vrai, parce que c'est pas vite périmé, hein, les Spartakistes. Voilà. Et dans 100 ans, c'est pas dans 100 ans, ça fera le centième année. Dans deux ans. De l'émission Tranche d'Anna sur les Spartakistes. C'est ça, dans 100 ans, ça fera le 200e anniversaire des Spartakistes. On sera pas là, mais voilà. Ok, ben voilà, bonne soirée à tous et puis amusez-vous bien, merci Léo. Ça nous a fait drôle de revenir un vendredi, mais c'était sympa. Et vive la République. Vive la République. Des conseils. Ouais. La République socialiste des conseils. Voilà. Voilà. Il faut la refaire. Mais ici, faire une République, il faut chasser le roi. Hein. Ah oui. Est-ce que j'aurai des problèmes maintenant? Je rappelle à ça. Il n'y avait pas quelqu'un tué la FLAO les années 50. Ah oui. Qui a vive la République. Ouais, au Parlement, il a dit vive la République. Bien vu. Bon, Axel, tu nous fais le chien puisque tu es là ce soir. Ouais. Bon, alors, amusez-vous bien. On a passé une bonne soirée. Allez faire pisser votre chien parce qu'il est l'heure. Il a envie de pisser. Et allez le faire pisser sur toute la connerie du monde. Allez, bonne soirée. Abat l'État. Ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.